J'arrive dans le jeu comme un appât, fraîchement échappé d'un hameçon. Cheveux lâchés comme un appât, c'est la clé reflet de mon hameçon. Cherche pas dans nos yeux ce qui ne va pas, on sait le cacher mais qu'on a le son. J'ai jeté la clé car mon âme sœur sait que je préfère qu'elle force le cadenas. Ils me disent masculine amalgame, juste entouré de garçons. Juste inspiré de vraies femmes qui ont supporté culottes et caleçons. Ils peuvent pas masquer que j'ai la banane, comme mûrissant les taches sombres. Se sont pointés, je prends des leçons à Marseille et des claques à Paname. Ouais, nos connexions sont nasales, ta question sans le débat qui pue. Ici, le seul sourire qu'on pratique est sincère et sans rictus. Cette année, le bilan n'est pas banal, mais ne change guère les habitudes. Je vois plus de gosses et de proches partir du camp, cercle du virus. Mec, si tu l'aimes, tu la respectes, arrête de lui demander toujours plus. Meuf, si tu t'aimes, tu dis bye bye, comme l'équipe de France à Gourcuff. J'étais parti pour un essai, mais la prod fait que j'en veux toujours plus. On l'a dans le sang pour la vie, y'a que quand c'est dans le sang que c'était pour le cul. Et pourquoi quand je te raconte la story, c'est plus fort que moi, j'en fais toujours plus. On a le sud dans les gènes. J'ai pas compté le nombre de fous rires, mais les textes en disent long sur celui des coups de blues. Y'a d'apothé, on est plutôt jeune. J'ai vu trop d'avant-goût d'enfer et de paradis me dire que là-bas y'aura toujours plus. Ouais, que tout ce qu'on s'imagine. J'ai jamais rêvé que je visiterais le monde en un jour, mais souvent que je le ferai dans un tourbus. Oh my god, yeah, yeah. C'est tous les jours que j'en veux plus, alors je vis sans rêvasser. Dis-leur j'ai pas peur de la chute ou de refaire quand c'est mal fait. Mais niveau fric, c'est un peu juste pour que ma carte en ait accès. C'est ironique, mais j'en veux plus, donc j'en ai marre, j'en ai assez. Là je suis quasiment malade, ouais, mais j'en veux plus, je veux aller mieux. Et je vois de mes yeux que dehors c'est l'asile quand je balade. Je veux pas vivre dans le banal, non, c'est ça tu vois. Mais j'avais l'embarras du choix et je crois que j'ai choisi l'embarras. Je veux plus qu'un point, c'est doux, qu'entendre un nouveau peut-être. Je veux respirer même quand j'étouffe, dire que la tête sous l'eau, je gère. Je voulais pas juste soigner ma rime, je voulais cramer toutes vos vedettes. Je voulais pas juste gagner ma vie, je voulais faire un boulot que j'aime. Des sourires sur les visages autant qu'il en soit possible. Car j'ai du mal à être heureux sans que les miens le soient aussi. L'ami j'en veux toujours plus et pour mieux te l'affirmer, d'abord je t'en ferai un dessin puis je ferai en sorte de l'animer. Manito, quand je te raconte la story c'est plus fort que moi, j'en fais toujours plus. On a le sud dans les gènes. J'ai pas compté le nombre de fous rires, mais les textes en disent long sur celui des coups de blues. Trop d'avant-goût d'enfer et de paradis me dire que là-bas y'aura toujours plus. Ouais, que tout ce qu'on s'imagine. J'ai jamais rêvé que je visiterais le monde en un jour, mais souvent que je le ferai dans un tourbus. Oh my god, faire des tours de magie. Elle était belle au naturel, mais tout comme Michael, l'ami s'en voulait toujours plus. Transformation phénoménale. Insatisfaite éternelle, te fous pas de notre gueule, t'es juste et résiste au good luxe. Peut-être juste un peu trop vénal. Besoin d'augmenter les grammes, une seringue dans le bras, dans une veine foutue. Chante que ça va, merde. Là tu planes mais tu sais pas que cette fois sera la dernière fois que t'en veux toujours plus. Yeah, mala, yeah, mala, mala, on t'a prévenu que t'en voudrais pas qu'un. Pas prévu que tu finirais le paquet, y'a comme un goût de lu. Ouais, comme un goût de granola. Dans nos couplets mec on est taquin, mais tant que le public est au taquet, on le sera toujours plus. Comme un côté cantona. Sans jamais m'interroger, sans jamais lâcher, décrocher, j'en veux toujours plus. Manito épaulé. Ambitieux sont nos projets, ouais, comme faire pousser une forêt qu'avec une bouture. Laisse-nous tenter ouais, l'impossible. Et pourquoi quand je te raconte la story, c'est plus fort que moi, j'en fais toujours plus. On a le sud dans les chaînes. J'ai beau compter le nombre de fous rires, seuls les textes en disent long sur celui des coups de blues. Y'a de la bouteille, on est plus très jeune. J'ai vu trop d'avant-goût d'enfer et de paradis me dire que là-bas y'aura toujours plus. Que tout ce que tu t'imagines trop. J'ai jamais rêvé que je visiterais le monde en un jour, mais souvent que je